Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien sur Radio Gamozo, lundi 8h-13h30. Donc mon coup de cœur de cette semaine, c'est Le jeu du maître de James Dashainer. Le titre original en anglais est The Morality Doctrine. Donc James Dashainer, c'est l'auteur du Labyrinthe et des deux autres tomes, des deux préquels du Labyrinthe d'ailleurs. Donc il y a aussi une série vachement bien d'ailleurs, que j'ai lue, et que je vous conseille très très fortement. La date de parution en France de cette trilogie est de 2016-2017, donc c'est assez récent quand même. C'est une trilogie, comme je viens de le dire, et quatre tomes. Ils sont tous sortis chez l'éditeur de PKJ au prix de exactement 16,90€. Ah oui, je vais vous citer rapidement les noms, parce qu'en fait, ils ont des noms, les trilogies. Donc le premier s'appelle La partie infinie, le deuxième La révolution, et la troisième La fin de partie. Donc c'est, voilà. Je vais vous lire aussi rapidement le résumé. Alors, quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il existe la réalité virtuelle. Comme la plupart des jeunes de son âge, Michel passe son temps sur le Virtnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre un jeu vidéo et un réseau social. Relié au serveur par des fils sensoriels, son cerveau baigne dans cet univers parallèle. Mais quand une série de suicides bien réels, ceux-là, interviennent dans le cadre du jeu, Michel et ses amis hackers doivent se rendre à l'évidence effrayante. L'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité? Donc c'est un livre, j'avoue, que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en fait, il traite du jeu vidéo sous la forme réalité virtuelle, donc le jeu vidéo de demain, en gros. Et ça me fait penser aussi un peu au film de Ready Player One de Steven Spielberg, qui est sorti il y a pas longtemps et que malheureusement je n'ai pas vu. En gros, ils se mettent dans une sorte de machine qui s'appelle le cercueil, qui les transporte dans un monde où tout est virtuel. Évidemment, c'est un peu comme GTA pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, mais genre juste on ressent les sensations, donc du coup il n'y a pas trop intérêt à faire le con, parce que sinon il y a moyen de se faire mal quoi quand même. Et du coup en fait de base Michel c'est un peu un hacker et compagnie. Ouais, donc bref, ce livre selon moi est vraiment super parce que il parle du jeu vidéo sous une forme un peu presque réelle, enfin comment dire, ce que vous allez faire dans la partie va influer de la réalité, donc c'est pas mal, je trouve ça drôle. Et aussi, c'est juste la dernière série de James Dashainer. Pour l'instant, il n'a pas encore écrit d'autres livres, à part la trilogie-là. Voilà. Bon, bah, c'était Aurélien. Au revoir et à la semaine prochaine.